tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vona Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, Variations sur la beauté, une série documentaire d'Élise Andrieux, réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a un éblouissement, une étrange sensation de bien-être et des questions. À quel point est-ce que le beau peut faire du bien? Pourquoi les jambes se dérobent? Pourquoi le souffle se coupe? Pourquoi la respiration s'accélère? Pourquoi cette courbe, cette fleur, cette couleur, cette mélodie, ce paysage, cet édifice? Mais aussi comment elle côtoie la laideur et à partir de quand la laideur devient belle? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un petit repli secret dans lequel la beauté finit par se cacher. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui se souvient de son enfance et l'aime autant qu'il la déteste. Une vieille femme qui chante. Une autre qui regarde des cerises. Une qui aime les fleurs. Des médecins qui proposent des pistes d'esthète. Une neurologue un peu poète. Et un jardinier. Ensuite, le décor. Un jardin multicolore, du jaune, de l'hypnose. Des cosmos bleus, des capucines, des marguerites. Une dune qui flambe dans le coucher de soleil. Des couloirs d'hôpital. Des tableaux fixés sur des murs qui s'écaillent. Une petite fille sur une toile. La mort de Sardanapale et des perceuses. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive à l'hôpital. Allez, on prend juste la première à gauche, la chambre de Madame Mallet. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà la petite fille. Ils n'ont pas changé. Hein. Regardez. C'est bien celui-là. Ouais. Je vous laisse le tenir. Bien gentil. Vous le prenez dans vos mains, Madame Mallet? Prenez-le dans vos mains. Oh. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous plaît comme ça, maintenant que vous l'avez en grand? Là, on dirait qu'elle va me parler. Ouais. Oh, ouais. Je sais pas ce qu'elle va me dire aussi. Un petit mot gentil. C'est des cerises là, qu'elle a. Hein. Oui. Oui. Elle me montre les cerises, là. Ah, ben c'est bien. Elle est toute gentille. On dirait qu'elle va me parler. je sais pas quoi lui dire tellement je suis émotionnée. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Tellement je suis contente. C'est malheureux que je pleure devant elle. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Oh, je suis toute contente. Elle va me tenir compagnie, ma pauvre. C'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Ah oui. La petite fille aux cerises, âgée de 5 ou 6 ans et peinte par John Russell, regarde Madame Mallet, 87 ans, hospitalisée en long séjour. Avec elle me fait un sourire, on dirait bien. Hein? Eh oui. Dès le matin, quand la lumière va s'allumer, je l'aurai devant moi. Sans tourner la tête. Et voilà. Cette rencontre se passe dans une chambre de l'hôpital René Muret, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Le musée du Louvre a choisi d'y acheminer 200 reproductions de tableaux pour les offrir aux patients de cet établissement de soins. Car cet hôpital, comme le musée, croit en la vertu thérapeutique d'une œuvre d'art. J'avais des cheveux comme ça, étant petite fille. Des cheveux tout frisés. Oui, pas si longs, mais tout frisés. Et si la beauté pouvait soigner? Et si les tableaux, les jardins, la musique, tout ce que l'on trouve beau et qui nous touche, pouvait réellement nous aider à guérir. Alors, Madame Mallet, vous voulez qu'on choisisse l'endroit où on va l'accrocher? Au-dessus de l'armoire, là. À côté de la télé. Le seul côté, je ne la verrai pas. Puis moi, je suis toujours dans ce sens-là. Plutôt plus bas. Oui, comme ça, oui. me regarde toujours, hein. La beauté qui soigne. Eh ben c'est bien, mes amis. La beauté, c'est la première des choses qui nous guérit. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des forces positives qui se trouvent autour de la beauté. Tout de suite, tout change. Une petite fleur, ça change. Une petite plante, ça change. Un petit sourire, ça change. Kiran Vyas enseigne l'Ayurveda, une médecine indienne ancestrale, depuis son jardin Tapovan, en Normandie. C'était John Keats, le poète anglais, qui a écrit dans son ode sur une urne grecque. Il dit « La vérité est beauté, la beauté est vérité, c'est tout ce que l'on sait sur Terre et c'est tout ce qu'il faut savoir. » Tandis que Pierre Lemarquis, neurologue, reçoit chaque jour des patients dans son cabinet de Toulon. L'un est oriental, l'autre occidental. Mais tous les deux étudient à leur manière les effets de la beauté sur la santé et le cerveau. Venez vous allonger. Venez vous allonger. Je vais vous prendre l'attention. Entrons d'abord chez le neurologue. Voilà, et puis vous remontez la manche à droite. C'est bien, ah, oui, bien équilibré, c'est ce que vous avez d'habitude. Voilà, oui. D'accord. Alors, et votre bras gauche, est-ce qu'il va mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Ça va mieux. Donc, il y a donc un an et demi, vous avez fait une attaque cérébrale, un accident vasculaire cérébral qui vous a paralysé le côté gauche, surtout le bras, et vous m'avez expliqué que vous aviez utilisé un moyen extraordinaire pour récupérer plus vite. Qu'est-ce que vous avez fait pour récupérer plus vite? Mais je n'ai pas imaginé, j'ai visualisé, je me suis visualisé jouant du piano. D'accord. Et en imaginant que vous jouiez du piano, en vous voyant en train de jouer du piano, la force est revenue dans le bras. La force est revenue. Oui, oui. Dans le bras, dans les mains, surtout mes doigts. D'accord, d'accord. Parce que je ne pouvais même pas enfoncer les touches avec mes doigts. D'accord, d'accord. Pas du tout, je ne pouvais pas. Alors, vous savez qu'on sait maintenant que quand on imagine faire quelque chose, notre cerveau fonctionne comme si on était en train de faire cette chose. Voilà. Bon. Moi, vous m'aviez ému quand vous avez pleuré devant le tableau, devant la bataille de Trafalgar. Quoi. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Qu'est-ce que ça vous avait fait? Qu'est-ce qui se passait? Il est devenu vivant. Vous étiez en train de m'examiner. Quand j'ai vu le tableau... Oui, je suis rentrée carrément, et c'est là qu'après j'ai pleuré, c'est ça. Oui, oui. C'est mon cerveau, hein, qui a fait ça. Oui, tout à fait. C'est mon cerveau, dedans. Voilà. Oui. Cette violence, oui, et cette force là, dans les vagues, ça m'a, en fin de compte, ça m'a effrayée. J'avais l'impression que j'allais mourir. Ah oui, j'avais cette impression-là, déjà la force, la violence de la mer. Et puis, en fin de compte, je ressentais tout. Vous étiez à l'intérieur du tableau, voilà. Tout à fait. Alors en fait, le tableau, c'est une marine qui est dans la pièce d'à côté et qui représente la bataille de Trafalgar. Alors ça, c'est une bagarre, on va le regarder si vous voulez. Voilà. Et, docteur, c'est normal, je sentais l'odeur de la mer. Donc voilà. Ça va plus loin qu'une synesthésie, c'est carrément, c'est de l'empathie, quoi. Vous êtes rentré dans le tableau. En fin de compte, j'étais absorbée complètement, mais même prise dans le tableau. Je ne peux pas vous l'expliquer exactement. Alors, ça arrive en fait chez tout le monde, mais chez vous, ça va être plus important, peut-être à cause de cet accident vasculaire. Quand on est devant une musique, un tableau, quand on lit un livre, notre cerveau fonctionne comme si on était en train de chanter, de danser, si c'est de musique. comme si on était face à quelqu'un de vivant, si c'est une peinture figurative. Vous voyez, si vous voyez la Joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez face à Mona Lisa. Et quand c'est de l'art abstrait, votre cerveau fonctionne comme si c'était vous qui étiez en train de faire la toile. Vous voyez une toile de Lucio Fontana, vous voyez avec des coups de cutter sur un fond bleu, par exemple. Et bien, votre cerveau fonctionne comme si c'était vous qui étiez en train de donner les coups de cutter. Quand vous étiez devant ce tableau, ben vous étiez sur la mer pour la bataille de Trafalgar, vous étiez complètement dedans. Et on est tous comme ça, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on regarde. Quand vous allez voir un film, ben vous êtes un peu le héros du film. Enfin, il y a quelque chose pendant quelque temps. Vous sortez d'un film de cow-boy, vous allez marcher un peu comme un cow-boy. Enfin, il y a une influence qui va se faire. Et on sait très bien pourquoi, parce que on a des neurones miroirs, vous voyez, dans le cerveau. Donc ces neurones, c'est la plus grande découverte en neurosciences du siècle dernier. Ça se passe à Parme. On est en train d'étudier donc la motricité dans le cerveau. Donc il y a un singe qui a une petite aiguille, enfin une petite électrode dans la partie du cerveau qui commande la motricité. Et c'est à Parme, il fait très chaud. Donc il s'appelle Risolati, c'est le professeur Risolati. Et un de ses assistants va se chercher une glace. Et quand l'assistant mange la glace, le cerveau du singe se met à fonctionner comme si c'était lui-même qui mangeait la glace. Vous voyez, c'est pas. Donc Risolati et ses collaborateurs ont eu l'idée que le cerveau du singe fonctionnait comme si le singe lui-même mangeait la glace. Quoi. Donc ils sont partis dans cette hypothèse et ils ont montré que le singe imitait, c'est connu, mais pourquoi il imitait, quoi. Donc nous, on bénéficie très certainement de ces mêmes neurones, ce qui font par exemple que quand on voit notre mère nous parler, ben on apprend à parler en regardant ce qu'elle fait avec son visage, les mouvements de la bouche. Donc c'est comme ça qu'on imite, vous voyez. Mais tout ça, ce serait que de la photocopie, donc ce serait intéressant, mais sans plus. Mais ils sont en connexion avec une zone un peu plus profonde dans le cerveau, qui s'appelle l'insula. C'est une voie de passage pour aller vers la partie profonde de notre cerveau, qui est consacrée aux émotions. C'est-à-dire que non seulement vous imitez, mais vous comprenez, vous ressentez les mêmes émotions. C'est ce qui s'est passé avec la bataille navale, quoi. Non seulement la bataille navale est en vous, vous la viviez pleinement, mais vous en avez ressenti toutes les émotions. Et donc on appelle ça donc l'empathie esthétique. Alors c'est les philosophes ont découvert ça à la fin du 19e siècle, et ça a été donc concrétisé par les découvertes des neurosciences à la fin du 20e siècle. Quoi, ça. Vous voulez le revoir, il est là, le tableau, il est là. C'était celui-là, oui, c'est la bataille de Trafalgar. Mmh. C'est bien. La Trafalgar. Ah oui, non, j'étais vraiment... C'est un tableau, il est vivant, hein. Ce tableau, oui. Il est vraiment vivant. Hein. En fin de compte, il vous happe. Voilà, il vous happe et puis il vous lâche plus après. Après, vous tombez. Mais là, ça recommence, mais c'est pour ça que j'aime pas trop rester. Ah, non, non. Mais la première fois, c'était vraiment très fort, mais là, je vois que ça recommence. À Tapovan, pour couper le vent, on a fait 4 rangées des arbres, ou 4 haies. Ça, c'est le premier, puis après encore un deuxième, troisième et 4. Comme ça, 4 fois les rangées d'arbres qui coupent le vent froid de souffler. Entrons maintenant chez le praticien d'Ayurveda. Kiran Vyas a grandi en Inde. Là-bas, la médecine ayurvédique est transmise depuis des millénaires. Son principe est que chaque être humain peut trouver l'équilibre et l'harmonie par la guérison à la fois du corps, de l'esprit et du mental. Un jour, Kiran Vyas découvre en France le pays des hautes falaises de Fécamp. Et saisi de beauté, il décide de s'y installer. Et petit à petit, nous avons planté 6000 arbres et arbustes et plein de fleurs. Il a dans l'idée de créer un jardin qui pourra aider à guérir. Au sol, il trace alors des formes remplie par des plantes aux couleurs et variétés différentes. Est-ce que c'est ça? Ça doit être de la sauge, à mon avis. On va voir. Ce jardin en forme de mandala est comme un tableau que l'on arpente et qui, en miroir, nous renvoie à notre propre équilibre. Ouais, ça sent bon. Rose est venue de loin pour visiter le jardin. Ah, c'est la première chose que je fais quand j'arrive. Donc, on fait tout le tour et donc on peut rentrer à l'intérieur jusqu'au centre du mandala. Pour moi, la beauté, c'est tout d'abord une certaine sorte de vibration, une certaine sorte de sensation, une certaine sorte de perception. Donc ces fleurs-là, ce sont des cosmos. Donc c'est une fleur très fine, très légère. Alors je ne sais pas si on lui a donné ce nom-là, cosmos, mais en tous les cas, c'est très aérien, très fin. La beauté, c'est une manifestation de la nature. Même une petite fleur qui va pousser dans un désert se donne entièrement à sa propre beauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un va regarder cette fleur, la fleur va être belle. Parce que la fleur, c'est sa nature profonde de montrer cette beauté. Elle est parfaite en soi. Chaque fleur a sa parfaite beauté en soi. Chaque être pourrait avoir cette sorte de beauté. Ce sont des grenouilles. Et l'Ayurveda, le mot Ayuhu, signifie la vie. Et Veda signifie la connaissance. L'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, c'est la connaissance de cet élan vital. Et la beauté, c'est le premier pas vers devenir un être véritablement humain. Pour aller vers côté humain, côté l'humanité, on doit d'abord chercher la beauté. Alors là, je ne me souviens plus de cette petite plante. Je crois que c'est du hysope, quelque chose comme ça. Hysope. Oui. Moi, chez moi, j'ai des fleurs aussi. Le fait de m'occuper de mes fleurs le matin, ça me fait un bien fou. Ah oui? D'aller les voir, d'enlever un petit truc qui est pas... voilà, ça me fait un bien fou. Mais oui. Mais oui, et je démarre comme ça, tranquille, la journée, contente. Bonjour Monsieur le Comte. On vient avec le Louvre. Avec une reproduction. Ah, bien, oui, vous vous souvenez qu'on avait fait ce choix ensemble il n'y a pas très longtemps? On avait disserté un bon moment là-dessus, oui, je me rappelle. Oui. Ça vous plaît d'avoir cette œuvre dans votre chambre? Bah oui. Ah, le coup, c'est de choisir où est-ce que vous avez envie qu'elle soit installée. Bah oui, qu'elle soit en face de mon lit, que j'ai l'occasion de la voir, voilà. Donc, je vais avoir un musée. Ils vont pas dire c'est la chambre à Monsieur le Comte, ils vont dire c'est le musée. Ça y est, c'est le grand moment. Je me décale un peu. C'est joli, hein. Il y a un plat avec 15 figues, un beau pain frais. Et puis derrière, un panier avec un livre et puis une bouteille qui n'est pas encore décapsulée, qui n'est pas encore débouchée. Le pain est bien appétissant. Les figues ont l'air bien mûres, elles sont éclatées de soleil. On va se plaindre. Il reste à savoir s'il est boucheté, le vin, ne va pas être une piquette à 4 sous. Vous savez qui est-ce qui a peint ce tableau? Non. Non. Mélendez. Oh, je connais pas de méconnaissance. Moi, je connais Utrillo, Van Gogh, Gauguin, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, tout ça, mais ça, c'est pas de mes connaissances. Oh. La dernière fois, on avait évoqué, vous disiez que ça donnait peut-être envie de partir en pique-nique. Ah ouais. Avec le panier. Non, il faudrait qu'on sache ce que c'est qu'il y a dans la bouteille, là. Ah, alors, bah dites-nous. Un vin de marque, c'est peut-être italien. Ah. Hein, du Chianti. Et oui. Avec le livre, alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ce livre? Oh, moi, vous savez, je ne suis pas tellement dans la littérature. Je lis, c'est toujours les mêmes histoires, l'armée allemande, le réarmement de ça, la puissance militaire soviétique, l'équilibre militaire des superpuissants. Toujours dans le même business. Moi. On prend tout ça dans le même livre, alors? Ah oui, j'ai la défense militaire des USA, la défense militaire soviétique, l'équilibre des grandes puissances, ah, oui. La guerre secrète moderne et tout ça, c'est toujours c'est le même. C'est pour ça que c'est un gros livre. L'équilibre militaire des là, grandes puissances. Vous en prenez qu'un pour votre pique-nique, alors vous choisissez ouais. Lequel? Bah, ça oh, dépend ben... avec qui vous allez pique-niquer, peut-être. Ah. Non, ben, je prendrais, je ne sais pas, ça doit traiter du Moyen-Âge, la peinture ou l'art à cette époque. Ah. Voilà. Donc on passe à autre chose, pas de géostratégie dans ce bouquin. Ouais. Alors, c'est pas tellement répandu la géostratégie. Hein. Je suis pas tellement mordu de littérature. Je suis toujours dans mes mêmes banalités. Ben voilà, et à vous cette œuvre, vous pouvez la regarder tant que vous voulez. La prochaine fois que je viens, vous me racontez les autres détails que vous en avez vus. Ben. Vous imaginez des nouvelles histoires? Ouais. Quelle heure il est là? C'est pas l'après-midi déjà? Non, on est en fin de matinée, il est 10h30. Ah. À cet après-midi, monsieur le comte? Vous venez me chercher? Oui. Ben oui. À tout à l'heure. Profitez bien de votre tableau. Je peux m'asseoir là, vous inquiétez pas. Là, vous pouvez enlever le coussin, installez-vous le mieux possible. Ça va, vous n'êtes pas trop mal? C'est bien. Alors, la beauté va caresser notre cerveau, si vous voulez. Enfin, une œuvre d'art, que ce soit une musique, une peinture, un roman, donc modifie notre cerveau, donc le sculpte. Et en même temps, en caressant ce cerveau du plaisir de la récompense, on secrète plein de substances qui sont très importantes pour notre existence et qui, c'est de la chimie. Donc, c'est comme un médicament. Il peut y avoir un effet thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on secrète? Donc, évidemment, surtout de la dopamine. C'est la dopamine, c'est le neuromédiateur du désir. C'est ce qui nous donne envie de faire quelque chose. Donc, si vous voulez, on est inondé de dopamine quand on est face à une œuvre d'art ou face à la beauté en règle générale. Donc, on a envie de faire des choses. Enfin, en tout cas, on se sent bien. Simplement imaginer une musique qui nous plaît, ça fait sécréter de la dopamine. Et puis on va sécréter donc de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qu'on a dans tous les antidépresseurs à l'heure actuelle. Et puis on va sécréter des endorphines. Vous voyez, on fabrique de la morphine, on a de la morphine endogène. Et lorsqu'on est face à quelque chose de beau, on sécrète des endorphines. Vous voyez, donc la preuve, c'est qu'on peut avoir la chair de poule. Quoi. Vous aurez rarement la chair de poule en entendant quelqu'un parler, mais en entendant quelqu'un chanter, on peut avoir la chair de poule. Vous voyez, c'est comme si vous avez pris de la morphine, quoi. Vous êtes sur un nuage, donc vous êtes bien. Quoi. Et puis ça se fait sécréter aussi de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est celle qui est responsable de l'attachement et de l'amour. Donc ça peut être ce que vous ressentez, l'affection pour une œuvre d'art ou face à la beauté, l'attachement que vous pouvez garder pour une d'art ou pour la beauté en général, donc ça, c'est très important aussi. Quoi. Tout ça. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé donc dans l'hypnose, où on va se chercher un endroit où on va être bien, donc où personne ne nous dérangera, et c'est souvent comme ça que l'hypnose commence. Quoi. Installez-vous bien. Voilà, parfait. Vous allez pouvoir imaginer un escalier, un très bel escalier que vous allez descendre, marche après marche, tranquillement. Vous allez descendre cet escalier et sur chaque marche, vous pouvez voir moins un. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Vous pouvez vous arrêter quelques instants. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, et enfin, vous êtes à moins 10. Quand je ne suis pas bien, ou quand je suis triste, ou quand je suis malade, ou quand, même s'il n'y a rien que je peux faire physiquement, bien sûr, je ferme les yeux et intérieurement, je crée cette image de beauté. Vous sentez votre corps qui s'alourdit. Et c'est tout à fait naturel dans une séance d'hypnose de sentir son corps qui se détend. J'essaie d'imaginer, j'essaie d'entrer dans ce concept de beauté. Et vous allez simplement visualiser les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs de l'arc-en-ciel vous mènent sur le chemin de la beauté. Et dès que j'arrive vers ces forêts paisibles, je réalise cette petite beauté, cette harmonie. Je vois aussi que même mon corps répond à cela. Et peut-être pouvez-vous, dans un premier temps, simplement rester sur la première des couleurs qui est le rouge. C'est la beauté qui nous guérit. Un beau rouge. Un rouge éclatant, vivant. Là, vous avez une parcelle avec des jolies pétunias, donc plutôt un rouge grenat. Et puis du rouge, vous allez passer on est à l'orange. D'un joli jaune très lumineux, on passe au rouge, au bleuet couleur un peu lavande, et là vous avez de très beaux pétunias couleur grenat. Orange. Là, des petites pervenches jaune et violette. Et de l'orange, vous allez passer à un beau jaune lumineux. Ici, vous avez de belles capucines. Cette magnifique couleur de la lumière. Très vif. Vous en avez des jaunes également. Le jaune. Il y a des marguerites. Nos belles marguerites anciennes, blanches. Et du jaune, vous pouvez aller maintenant vers le vert. Le bleu du ciel. Et toutes ces couleurs, vous les portez en vous. La beauté du monde. Voilà, la beauté c'est ça, là ce que vous ressentez. Vous connaissez l'odeur des sayonades? C'est fabuleux, moi c'est enivrant, j'adore ça. Je vais vous faire sentir. Vous sentez comme ça sent bon? J'adore cette odeur. Les feuilles surtout. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs dames. On va dans votre chambre, monsieur Valjean. Allons-y. Kamel, il est prêt. C'est le technicien qui va installer votre tableau. C'est à lui de choisir l'endroit où on souhaiterait. C'est à vous de choisir. On souhaiterait qu'il soit placé. Tout à fait. Je sais pas, je crois que là, il n'y a pas beaucoup d'endroits, il y a là ou là. Oui. Là en face. Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir une reproduction du Louvre dans votre chambre? Oui. Je ne suis pas tellement tableau, tout ça, mais enfin, là, c'est bien. C'est quoi, les semeuses? Les botteleurs de foin. Hein? Les botteleurs de foin. Botteleur de foin, oui. Ouais. Ben oui, mon père, il faisait les balles de foin dans le temps. On fanait, on faisait les rondes. Après, on regroupait le tout. On faisait des petits mulons. Puis, au bout d'un certain temps, hop, les botteleurs, ils viennent. Ils bottent à la main. J'habitais la Normandie. Et en Normand, ben, c'est comme ça que ça se passe. Oui. J'ai même fait moi-même. J'ai été paysan étant gamin. Enfin, quand j'ai eu 14 ans, on a commencé à travailler, commis de ferme. Vous vous souvenez pourquoi vous avez choisi ce tableau la dernière fois quand on avait fait... Vous vous souvenez pourquoi vous l'avez choisi, celui-là? Parce que c'était... Je veux dire, c'est le fruit de l'effort. Travailler, c'est l'effort. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est ma jeunesse. Oui. Vous avez aimé ces moments-là en Normandie dans votre jeunesse? Difficile à dire. C'était de la période encore, on était presque l'esclavage. On te criait souvent après, oui. Comme quoi t'en faisais jamais assez. Alors, j'ai pas tellement apprécié cette période. On t'est traité comme moins que rien, pire que des esclaves. Voilà, c'était pas les 48 heures de Georges Marchais, là, à cette période-là. On commençait le matin, ouais. On se levait déjà à 5 heures, et le soir on se couchait pas avant 9 heures, voire 10 heures. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on vous l'accroche pour voir un petit peu le tableau hein? Oui, voilà. Oui, ça a caché la fissure là. Ouais. C'est là sa place. Au milieu de la chambre, dès qu'on entre, on voit. Alors, il va lever la tête, mais trop. Ça va être le trop. Monsieur, il a peur que vous ayez mal au cou parce que vous allez devoir lever la tête quand vous allez. Non. Ça va. Et d'aller voir s'il n'est pas trop. Oui, posé. C'est bon. Moi, j'aurais pu. Peut-être un petit peu plus bas, mais pas beaucoup. Pas mal d'ici, ah non, là, c'est trop bas. Et là. Je veux pas voir la fissure. Ah, vous cachez la fissure, mais le problème, c'est qu'il y a. Au moins, à la rayure, là-haut. Là, oui, c'est bon. Là, c'est bien, là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi quand même ce tableau-là, malgré qu'il vous rappelle des moments difficiles aussi de votre vie? Ça ressemble à ce que je ressens. Ça ressemble à ce que vous ressentez. Quand j'étais jeune, voilà. On travaillait comme ça, toi. Voilà. Ben, c'est très bien. C'est le reflet de ma vie. Ah. c'est quand même l'art en général et qui nous donne une raison de vivre, je pense. C'est quand même ça qui nous... Enfin bon, il peut y avoir bien sûr la nature, hein. C'est Debussy, je crois qu'il préférait le clair de lune, le vrai, que celui de Beethoven, quoi. Mais ça, c'est pas... Mais bon, le but de l'artiste, c'est de nous communiquer des émotions, donc, alors qui peuvent être des émotions négatives, nous faire vibrer, mais aussi le but, c'est de nous amener vers le sublime, quoi. Donc ça, ils ont tous essayé. Enfin, Beethoven était le premier à dire que si on écoutait sa musique, on atteindrait le nirvana, enfin qu'on atteindrait l'absolu, quoi. En général, ça, on a affaire à des chercheurs d'absolu qui veulent... Puis c'est là un petit peu le rôle essentiel. Le rôle des créateurs, c'est de nous amener à des endroits où on serait jamais allé, quoi. C'est de nous ouvrir des horizons, quoi. Si on les avait pas, ben, ce serait dangereux. Dans toutes les cultures, les médecins étaient à la fois musiciens, quoi. Les chamans sont musiciens. Enfin, la musique va de pair avec la médecine. Alors, il y a des Indiens, je crois que c'est les Navajos. Les Navajos, donc, pour eux, c'est vraiment le mot santé et le mot beauté, c'est le même mot dans leur langage. Vous voyez, c'est pas donc ils guérissent par la beauté ou sens où ils font, ça dure plusieurs jours, ils font des peintures de sable sur le sol et demandent aux malades de se mettre sur cette peinture. Vous voyez, et puis ils chantent, ils dansent autour, il y a des fumigations. Ça dure plusieurs jours et puis alors c'est très précis, faut pas qu'il manque une note, faut pas qu'il manque une phrase et souvent ils ont de bons résultats, mais ça marche que chez les Navajos. C'est-à-dire que dans les zones des États-Unis où ils habitent, les assurances ont compris l'intérêt de ce traitement et remboursent ces soins pour les Navajos. C'est-à-dire que vous avez l'hôpital pour les Occidentaux et à côté, quelque chose de plus spécialisé pour les Navajos, où ils vont pouvoir utiliser leur médecine, quoi, c'est pas. Alors nous, ça, pourquoi pour nous ça marche pas? Ben, parce qu'on n'a pas la culture qui va avec, quoi. On n'est pas né dedans, donc ça, ouais, il nous manque quelque chose pour que ça puisse résonner, quoi. C'est le Sardanapale, regardez comme c'est extraordinaire cette petite sandale là. Vous avez vu ce pied là, c'est magnifique. J'adore ce tableau. Il est extrêmement violent, bien sûr. La mort de Sardanapale. Mais alors je suis toujours fascinée par ce pied là au premier plan. Ce talon qu'on voit, extrêmement délicat. Ce corps de femme cambrée qui est en train de se faire égorger quand même. Mais je crois que ce qui sauve, bah, c'est de voir ce pied magnifique et cette sandale brodée, enfin très belle en fait. Voilà. Le tableau d'Eugène Delacroix, présenté dans la grande galerie du musée du Louvre, est immense. On recule de 3 pas pour le voir entièrement. Je suis Catherine Meurice, je suis dessinatrice. Et... j'ai souvent redessiné des tableaux dans mes albums de bande dessinée. J'ai toujours parlé de littérature et d'art. J'ai toujours parlé de beauté sans le savoir, en fait. Mais c'est vrai qu'après l'attentat contre Charlie Hebdo, la beauté a pris un autre sens, en fait. Catherine Meurice faisait partie de l'équipe des dessinateurs de Charlie Hebdo. Le jour de l'attentat, elle est arrivée en retard à la conférence de rédaction. Depuis la rue, elle a entendu les tirs, sans rien voir. Voilà, c'est le moment où j'ai été expulsée sur une autre planète, je pense. On est hors de l'humanité, en fait. Il y a quelque chose, il y a un geste inhumain, barbare, qui nous propulse à notre tour dans un autre monde et qui n'est pas partageable et qui est hors de toute représentation, vraiment. Et voilà, donc dans les secondes, les minutes, les semaines et les mois qui ont suivi, bah, il a fallu essayer de ne pas devenir fou. Donc le dessin m'a aidé petit à petit à pas devenir givré en fait. On est 20 jours après l'attentat, donc j'ai un couple d'amis qui m'emmène voir la dune du Pilat. Et je marche d'abord dans cette partie qui est dans l'ombre, en fait, où on commence à gravir la dune. Et en arrivant au sommet, le vent est là, extrêmement puissant. Et il est 17h, je crois, 16h30, 17h. Le soleil est en train de se coucher. Et on surplombe, on domine l'océan et on peut voir l'horizon arrondi. Le temps était... Enfin, il y avait des nuages. Il y a des nuages gris, roses. Il y a quelque chose d'irisé dans l'air. Il y a une... comme une pluie d'or sur la mer. Je prends conscience que je vis quelque chose d'exceptionnel, d'inouï. Enfin, je sens que cette expérience est inédite pour mon corps, en fait. Pour mes yeux, ma tête, mon corps. Mon corps est complètement endormi encore, très, très fatigué, absent. Mais alors mes yeux... vivent à 100 à l'heure, en fait. Vraiment, j'ai des yeux immenses et j'absorbe tout par les yeux, tout. Le vent, la lumière, les gris, les roses, tout. Et je sens qu'il y a quelque chose qui commence à changer en moi, en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne prends pas le temps de l'analyser, j'en suis incapable. Mais quelque chose s'enregistre en moi, en fait. Il y a comme un début de transformation, je crois. Plus tard, j'ai mis des mots dessus. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu un face-à-face avec la beauté, vraiment une expérience de transcendance, en fait. Quelque chose de vraiment d'inouï. Et il y avait comme une pulsion de vie, quelque chose qui venait taper à la porte, en fait. Il y avait vraiment... Je voyais la lumière... transfigurer un paysage, et je crois que il y avait l'espoir en moi que j'allais être aussi transfigurée, en fait. Je crois que j'ai dû ressentir une promesse quelque part, très très loin en moi. Et puis peu à peu, j'allais mieux, enfin je vais mieux aujourd'hui, en fait. Donc mes super pouvoirs sont un peu diminués, mais tant mieux, ça veut dire que je vais mieux. Et je vois moins bien. Mais c'est pas grave, parce que je me souviens d'avoir vu intensément. Et ça, c'est essentiel. Et maintenant, je cherche à voir, toujours voir bien, mieux, mais sans que cette sensibilité ou cette vision ou cette acuité soit liée à la souffrance. Et je pense que c'est possible. En tout cas, c'est ce que je recherche maintenant. Comment vous vous sentez ? Non. Le moral, comment ça va, le moral ? Rien de spécial. Vous êtes triste des fois ou... Non. Non, pas le cafard, pas l'idée noire. De temps en temps, quand t'es seule, t'aimes pas. Un petit peu, mais pas... L'appétit, comment ça va l'appétit ? L'appétit, ça va. Vous mangez ? Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Au midi, pas grand-chose, je me rappelle plus. C'était bon ? Oui, c'était bon. D'accord. Du poisson, maman. T'as mangé du saumon. C'était du poisson, mais je ne me rappelle plus. Ouais, du saumon. Je ne me rappelle plus, justement. Vous aimez bien le saumon. Oui. D'accord. Et vous pouvez me dire en quel mois nous sommes en ce moment ? En quel mois ? Oui. Ben... Je ne me souviens plus très bien, d'ailleurs. Et en quelle année ? En quelle année nous sommes ? Et dis-toi, combien vous avez d'enfants ? Combien vous avez d'enfants ? Combien vous avez d'enfants ? J'ai jamais bien tout faire attention à ça, pas du tout même. À quel endroit vous habitez ? J'ai fait me balader à côté, c'est tout. D'accord. Mais... C'est pas grave. C'est pas... Le principal, c'est que vous soyez heureuse. Est-ce que vous êtes heureuse ? Vous êtes content ? Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la vie ? Qu'est-ce que vous aimez bien faire ? Tranquille. Être tranquille. Mmh. Et vous aviez dit une fois, vous aimez bien la musique aussi. Oui. Vous aimez bien chanter. Un petit peu comme ça, oui. Vous aimez bien chanter. Et qui vous aimez bien comme chanteur ? Celui qu'on a écouté tout à l'heure, les feuilles mortes. Rien de spécial. Les feuilles mortes sur un master. Oui, c'est ça. Par exemple. Quoi. Est-ce que vous vous en souvenez de cette chanson ? Vous pourriez me la chanter, enfin, c'est de... Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mes souvenirs et mes ophées aussi. Et le vent du nord les emporte. On a des fois de l'oubli, tu vois. On ne peut plus oublier la chanson que je chantais. C'est une chanson. Puis voilà, ah, ça suffit, c'est, quoi. C'est super, ben. Ça c'est aussi, super. Ça va faire le... C'est super. Alors, vous voyez, donc c'est quand même extraordinaire, quoi. Ça, donc, tout à l'heure, elle ne se souvient pas, donc, l'année où on est. Et puis, à ce moment-là, quand elle chante, les paroles sont bien revenues. Donc, ce qui prouve bien que notre cerveau est fait pour la musique avant autre chose. Quoique la musique intervient avant le langage, quoi. Le langage est un petit peu disparu. L'orientation dans le temps, dans l'espace a disparu. Mais la musique, Yves Montand est toujours là, quoi. Il est rentré dans son cerveau et il en est pas sorti. Là, si elle se lâche, elle est capable de dire « on danse ». Ah oui. Oui, mais elle ne le fera pas. Là. Il y a le micro qui l'a énervé, ah oui, et du coup, ça la bloque. Mais à la maison, elle m'aurait dit « on danse ». Ah ouais, oui. Tout de suite, elle m'aurait demandé. Mais la vie, c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit, mais la mer passe sur le sable, pas des amants, des unis. C'est une bonne initiative, selon moi, d'utiliser le concept de beauté pour la guérison. Et aujourd'hui, on est venu à une telle seuil de recherche que ces recherches sont possibles, dans le sens qu'on pourrait faire des analyses profondes et très détaillées du sang. Simplement montrer un magnifique tableau dans l'esprit du malade, ça va créer des changements. On pourrait faire des IRM du cerveau et on verra que ça fait des changements radicaux et ça va faire une répercussion extraordinaire. Moi, je pense que cela suffit de mettre certains chercheurs, on pourrait les indiquer dans ce chemin-là, au lieu de toujours les amener vers recherche d'une tablette ou d'un petit médicament miracle pour guérir telle ou telle maladie. Moi, je pense que les recherches médicales devaient aller plus dans ce sens-là et utiliser les instruments modernes pour montrer ces choses subtiles de l'harmonie, de la beauté, de la musique, de l'art, au lieu de simplement être vers une certaine sorte de non-harmonie. Et une harmonie parfaite peut tout. Ça, je suis convaincu. Mais est-ce possible une harmonie parfaite? Ça, c'est encore une autre question. Et je suis sûr qu'on va un jour voir cette harmonie. C'était la beauté qui soigne. Oui, oui, voilà. Alors, où est-ce qu'on pourrait l'accrocher, ce tableau? Où est-ce qu'il serait bien? Cet angle-là. Oui, là aussi, c'est pas mal. En plus, avec le fond noir, c'est bien parce que ça fait bien sortir le... Oui, oui. Il est plus en oui. Vous le voyez bien, là? Oui, oui, je vois très bien, là. Voilà. Alors, il y avait un peu de bruit pour la perceuse. Oui, oui, allez, il fait du bruit, fait tomber un mur. Moi, ça m'est égal. Bon, au revoir. Bon appétit, madame Maïli. Bon appétit, à tout à l'heure. Avec le Louvre à l'hôpital, une opération du musée du Louvre en partenariat avec l'hôpital René Muret de Sevran. En compagnie de Barbara Goulard, Viviane Grappi, Aude Cocheteux et les patients Madame Mallet, Monsieur Lecomte, Monsieur Bonnejean et Madame Maïline. Vous pourrez commencer à inspirer un peu plus profondément. Joël Mignot, hypnothérapeute. Tout en gardant les effets bénéfiques de cette séance. Là, dans quelques heures, vous voyez, quand le soleil va se coucher, je vois comme si chaque feuille, chaque branche va presque se raidir pour capter le dernier rayon de lumière. Très souvent, je viens voir ça. Kiran Vyas, du jardin ayurvédique Tapovan, en Normandie. Très bien, vous vous étirez et vous ouvrez les yeux quand vous le souhaitez. Prenez bien le temps. Ah ben, je pense que quand on a réfléchi à tout ça, on craint moins la faim. Pierre Lemarquis, neurologue. Ben, je préférais mourir, c'est sûr, devant un soleil couchant ou devant, je sais pas, mourir au musée du Louvre. C'est pas... Non, ça brûlait pas, c'était une lumière en fait, une lumière intérieure, quelque chose. Catherine Meurice, dessinatrice. La lumière du paysage, du ciel, m'était donnée en fait et venait couler dans mes veines en l'espace d'une seconde. Oui, oui, frottez un petit peu votre visage, trouvez. Voilà. Très bien. Alors, comment ça va ? Ça va, ça va. Est-ce que vous avez vu la beauté ? Au moment du jaune. Ça m'a envahi de jaune, en fait. J'ai été... C'était très beau. Ouais, il y a une lumière. Je sais pas, c'était beau le jaune. Merci à tous les participants, ainsi qu'au Musée du Louvre, à Cathy Lausson, à Marion Beneteau, à Rose. Merci à l'hôpital René Muret, à Marilène Litou, Perrine et toute l'équipe d'animation. Merci au docteur Laurent Gross, à Marie-France, à Christine et à sa fille. Prise de son, Yann Frécy, Manon Houssin, mixage, Olivier Dupré. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous soigner, bibliographie, lien, nous podcaster pour devenir beau ou nous réécouter en fermant les yeux, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, deuxième épisode, Splendeur de Notre-Dame.